Chapitre 3e. Quelques semaines s'étaient écoulées. Dans un petit appartement d'une rue solitaire de Saint-Germain, Fontmort était assis devant une table et feuilletait divers livres épars autour de lui. Il était si profondément occupé de son travail qu'il n'entendit pas la porte s'ouvrir et Chavigny s'avancer dans la chambre. Le jeune officier posa la main sur son épaule en lui adressant un salut amical. Fontmort tressaillit et referma brusquement le livre qu'il tenait à la main. « Je vous attendais, » dit-il d'un ton grave. « Je me suis empressé d'accourir aussitôt que j'ai reçu votre billet, » dit Chavigny avec légèreté. « Le roi est à Versailles, et nous avons tout notre temps à nous. Aussi, nous nous amusons, je vous jure. J'ai pour aujourd'hui 2 balles, un rendez-vous et, je crois même, un duel. » ajouta-t-il en baissant la voix. « Mais vous, mon grave Fontmort, que lisiez-vous donc là qui excitait si fort votre attention? Un roman de Scudéry ou de Ségret, sans doute ?» Il s'empara du volume et en lut le titre. C'était un ouvrage anonyme intitulé « Curiosité médicale ». « Oh ! Depuis quand les gendarmes de la reine étudient-ils la science d'Hippocrate et de Diafoirus ? » s'écria-t-il joyeusement. « Voulons-nous prendre nos degrés en Sorbonne ?»« C'est un ouvrage qui m'est tombé par hasard sous la main, » dit Fontmort avec une insouciance affectée. « Quelle est donc cette page à laquelle vous avez fait des marques nombreuses ?» Et l'étourdi lut tout haut. « On a vu souvent des femmes dont l'imagination avait été vivement frappée par la vue d'un nègre pendant qu'ils étaient enceintes, donner le jour à des enfants noirs, quoique le père et la mère. » Fontmort arracha brusquement le livre à son ami. « À quoi pensez-vous donc, Chavigny ? » dit-il avec un accent de reproche. « Avez-vous donc oublié que je vous ai prié de venir pour vous demander un service du plus haut intérêt ? Excusez-moi. « Mon cher camarade, » répondit Chavigny en changeant de ton tout à coup, « parlez, parlez sans crainte, je vous écoute. » Et comme Fontmort semblait se recueillir, il reprit avec âme, « Fontmort, je me souviens que vous m'avez sauvé la vie. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez hésiter à me demander ?»« Eh bien, Chavigny, si je venais vous dire, je suis dans une circonstance difficile, bizarre, inexplicable, qui doit m'élever au comble des honneurs, ou me précipiter dans un abîme de mots. J'ai besoin d'un ami ferme, dévoué, qui ose affronter avec moi des dangers certains et immenses. Chavigny, vous souviendriez-vous de ce que vous m'avez promis le jour où nous nous sommes vus pour la première fois? Je ne l'ai jamais oublié. Et votre bouche ne dirait jamais ce que vos yeux auraient vu, ce que vos oreilles auraient entendu, ce que votre intelligence aurait deviné? Et malgré les séductions et les menaces, les promesses fastueuses et les persécutions, vous vous tiendriez la parole que vous auriez donnée de vous taire à tout jamais? Cette parole, je vous la donne. Et si l'on vous en demandait un gage? Chavigny tira de son doigt une bague garnie d'émeraudes, la baisa et la présenta à Fontmort. Voici l'anneau sacré que ma mère m'a donné au moment de mourir. Fontmort prit le bijou que son ami lui présentait et lui dit avec un sourire étrange, « Imprudent. Et si maintenant j'allais vous proposer un crime ?»« Cela ne peut être, » répondit le jeune officier avec confiance. « Enfant, vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir, comme moi, des désirs infinis. » dit Fontmort d'une voix sombre. Il reprit au bout d'un moment. « Ce soir, vous serez de service au château. À minuit précis, trouvez-vous dans la première cour. Vous m'attendrez en silence vis-à-vis le médaillon de Bernard de Palissy qui représente le dieu Mars. Je viendrai, et vous saurez ce que je demande de vous. Est-ce tout ? C'est tout. Adieu. » La nuit suivante, au 2e coup de l'horloge du château, 2 hommes pénétraient par des passages secrets et des escaliers dérobés dans l'antichambre des gardes de la reine dont nous avons déjà parlé. « Attendez-moi ici, » dit Fontmort. « Je reviendrai dans quelques instants. » Chavigny se jeta dans un fauteuil, de l'air d'un homme résolu à tenir sa parole à tout prix. Fontmort le remercia d'un signe, et elle est rentrée chez la reine, comme Oline apparut. Elle était en proie à une violente agitation. « Tout est-il prêt, mademoiselle ?»« Oui, » répondit-elle d'une voix sourde. « C'est bien. » Et il voulut passer outre. Molina le retint par le bras. « Monsieur, je vous supplie, comme j'ai supplié la reine elle-même, comme j'ai supplié cette jeune fille, renoncez à cet audacieux projet. Il en est temps encore. Dans quelques instants, il sera trop tard. Parmi ceux à qui l'on a été forcé de faire connaître ce secret, il peut se trouver des traîtres. Croyez-moi, fuyez, fuyez sur le champ, sans regarder derrière vous. » Et en parlant ainsi, elles se traînaient en sanglotant aux genoux de fond mort. « Est-ce là tout ce que vous aviez à me dire ?» demanda le capitaine avec un sang-froid imperturbable. « Si je ne voulais tout affronter, croyez-vous que je serais ici ?» Molina se releva avec un air de fierté blessée et lui livra passage. « Que leur obstination à tous retombe sur leur tête !» murmura-t-elle en se signant, suivant la dévote habitude de l'Espagne. « Ils sont condamnés !» Puis elle sortit aussi sans faire attention à Chavigny, qui resta seul dans cette vaste pièce, sans rien comprendre à ce qui lui arrivait. Fondmort reparut bientôt, son front était radieux, une indicible expression de joie était peinte sur sa physionomie. D'une main, il tenait un parchemin ouvert, de l'autre, une plume imbibée d'encre. Il étala le parchemin sur une console et dit à son ami, en lui présentant la plume, « Chavigny, il me faut votre signature. » Chavigny obéit avec cette résignation passive qu'on avait exigée de lui. Seulement, au-dessus de son nom, il lut involontairement cet autre nom tracé comme en tremblant, Marie-Thérèse. Il leva sur Fondmort un regard interrogateur. Le capitaine plia le parchemin et le cacha dans sa poitrine. Quelques minutes après, trois femmes traversaient l'antichambre en silence. L'une d'elles était enveloppée dans un voile noir et s'appuyait avec effort sur les deux autres, c'était la reine. Molina était à gauche, portant un flambeau. Maria soutenait sa maîtresse de l'autre côté. Elle salua Chavigny par un sourire affectueux, mais sans lui adresser la parole. Fondmort fit signe à son ami qu'il fallait suivre ces dames. « Et votre fiancée, la voilà ?»« La Mauresse, la Mauresse !» répéta Fondmort en serrant la main de Chavigny à la lui briser. On parcourut des corridors obscurs, des appartements déserts. Aucun garde, aucune créature vivante ne se montra sur leurs pas. Toutes les mesures avaient été prises pour écarter les indiscrets et les curieux. On arriva ainsi à la chapelle. Sous Louis XIV, aucun temple du monde n'était plus riche et plus somptueux. Devant le maître-autel de marbre noir et blanc, deux cierges allumés projetaient avec la lampe qui brûle sans cesse dans le sanctuaire, une lumière vague qui combattait les ombres sans les dissiper. Un vieux prêtre, revêtu de son robe blanche et de son étole, se tenait seul et debout, appuyé sur la balustrade dorée du chœur, dans l'immobilité de l'attente. Il ouvrit un missel de vélin et commença à lire les prières nuptiales. Les paroles sacramentelles venaient d'être prononcées. Maria et Fondmort avaient échangé l'anneau consacré du mariage quand un bruit sourd qui se fit entendre dans le château frappa d'une terreur subite tous les acteurs de ce drame religieux. « je vous l'ai dit !» murmura Molina. « Qu'importe !» dit Fondmort avec une joie sombre. « Ils viennent trop tard !» Il se rapprocha vivement de Chavigny. « Ami !» lui dit-il en lui présentant son contrat. « Encore un service !» Prenez ce parchemin et jurez-moi que, quoi qu'il arrive, vous garderez cette pièce importante sans l'ouvrir, sans en parler à personne, que vous ne la remettrez qu'à moi, et que vous mourrez plutôt que de la rendre à d'autres qu'à moi. « Je le jure, » dit Chavigny. « Merci. Maintenant, » ajouta-t-il précipitamment en lui montrant la porte de la sacristie, « échappez-vous par là. Vous descendrez dans la cour. Vous vous mêlerez aux officiers de service. Si l'on vous a trahi, l'on n'a pu lire votre nom. Si l'on vous interroge, niez tout. Adieu. » Chavigny disparut dans la sacristie. À peine s'était-il éloigné que, du côté opposé, la porte principale de la chapelle s'ouvrit et quelques personnes, dont on ne pouvait distinguer ni les traits ni les costumes, avançaient rapidement vers le chœur et s'arrêtèrent à une courte distance. Qui osait donner l'ordre de célébrer le service divin dans la chapelle du roi à cette heure de la nuit ? Demanda une voix sévère. On reconnut alors bon temps le valet de chambre de Louis XIV et le confident de tous ses secrets. « C'est moi, monsieur, » répondit la reine avec majesté. Bontemps recula avec respect, mais en même temps un personnage inconnu, enveloppé d'un épais manteau, se pencha à l'oreille de Marie-Thérèse et lui dit d'une voix terrible « Silence, imprudente !» Et telle était la puissance de cette voix que la pauvre femme tomba comme anéantie sur les marches de l'autel. Un homme s'est échappé, dit Bontemps, en s'adressant à ceux qui l'avaient suivi. « Cherchez, cherchez partout, obéissez aux ordres que vous avez reçus. » Aussitôt, quelques hommes, sans uniforme et sans livrée, sortirent de l'obscurité où ils étaient tenus jusque-là. Plusieurs s'élancèrent vers la sacristie, d'autres pénétrèrent dans le chœur pour s'emparer de tous ceux qui avaient pris part à la cérémonie. « Monsieur Bontemps, dit Molina en se débattant entre les mains vigoureuses qui l'étreignaient. « Souvenez-vous que c'est moi qui ai prévenu Sa Majesté. »« Misérable !» s'écria Fourmore avec rage. La reine sembla faire un effort désespéré sur elle-même. Elle éleva les mains vers le fantôme noir qui se tenait debout auprès d'elle. « Grâce, grâce, pitié » soupira-t-elle. L'inconnu ne fit pas un mouvement, seulement un sanglot étouffé sortit de sa poitrine. « Obéissez !» s'écria Bontemps encore une fois. Le prêtre et Molina étaient déjà garrottés. Bontemps s'approcha lui-même de la mauresse pour s'emparer d'elle, mais Fourmore, plus rapide que l'éclair, la prit dans ses bras et s'élança vers l'autel. « Vous n'avez plus que moi pour vous défendre, Maria » s'écria-t-il, « puisque votre protectrice vous abandonne. » Il tira son épée. « Pitié, pitié !» répétait toujours la reine en embrassant les genoux de l'homme noir. Il y eut une minute d'hésitation parmi les gens que commandait Bontemps. Molina, qui pendant ce temps avait adressé à l'émissaire du roi des supplications qu'il n'écoutait pas, s'écria tout à coup avec rage. « Voilà donc comment me récompense. Voilà donc le prix d'une fidélité qui sera cause de ma damnation, puisque j'ai trahi un serment. Au moins, je serai vengé. Chevalier de Montfort, » ajouta-t-elle d'une voix éclatante, « celle que vous venez d'épouser est fille du roi Louis XIV et de la reine Marie-Thérèse. J'étais à sa naissance. À cause de sa couleur, on annonça que l'enfant était mort en venant au jour. Bâillonner, c'est insensé !» interrompit une voix impérieuse. « Je le savais, je le savais !» s'écria Fourmore avec énergie en agitant son épée autour de sa tête pour écarter ses ennemis encore un moment. « Vous tous qui êtes ici, je vous prends témoin de ce que vient de dire cette femme. »« Ah, ils sont perdus !» dit la reine en tombant évanouie au pied du mystérieux personnage qui s'empressa de la secourir. En ce moment, ceux qui s'étaient mis à la poursuite de Chavigny rentrèrent dans la chapelle en faisant signe que la recherche avait été inutile. Alors Fourmore cessa toute résistance et laissa tomber son épée. « Non, Maria, » dit-il rapidement à son oreille, « tout n'est pas perdu encore. Soyez de bronze, comme je vais l'être. Adieu. » Et aussitôt il fut saisi et garrotté par les gens de Bontemps. Pendant que se déroulaient les événements presque simultanés de ce drame rapide, la mauresse avait conservé une contenance calme et ferme malgré les sentiments de terreur, de désespoir ou d'étonnement qui avaient dû remplir son âme. Bontemps s'approcha d'elle à son tour. « Il faut me suivre, mademoiselle, » dit-il avec autant de déférence qu'on pouvait en montrer en donnant un ordre. « Où devez-vous me conduire ? Vous le saurez plus tard. » Elle jeta autour d'elle un regard morne, comme pour chercher du secours, et elle aperçut Fourmore qu'on entraînait d'un côté, tandis que de l'autre, le mystérieux étranger au manteau noir, emporté dans ses bras la reine toujours évanouie. « Charles, mon mari !» s'écria-t-elle en courant vers Fourmore. Les gardes la repoussèrent. La porte se referma sur eux et sur leurs prisonniers. « ma mère !» répéta-t-elle plus bas en poursuivant dans l'ombre l'audacieux qui avait osé s'emparer de la reine. Il s'arrêta dans l'endroit le plus obscur de la chapelle, déposa son fardeau sur un des fauteuils dorés qui garnissaient l'enceinte, et sembla permettre à la jeune fille d'arroser de ses larmes les mains de Marie-Thérèse. Il la laissa un moment se livrer à sa douleur, puis il lui dit doucement « Assez, éloignez-vous. » La mauresse reconnut cette voix, toute altérée qu'elle était par une émotion profonde. « Sire, grâce, grâce » murmura-t-elle. Elle sentit un baiser et une larme brûler son front. Elle voulut parler, mais un signe impérieux lui ferma la bouche. Le roi, car c'était lui, reprit son fardeau en silence et s'éloigna précipitamment. « Voilà donc toutes les caresses que j'aurai jamais de mon père, » dit-elle avec un soupir. Un quart d'heure après, deux voitures exactement fermées, suivant des chemins opposés, sortaient rapidement de Saint-Germain. Dans l'une était la mauresse, dans l'autre était Fourmore.